Cardinal, Bishop, Father, Pastor, Imam, Malam. Big fish, they won't finish small fish for inside Jiba. Una must put prayer because if Yahweh no help, we no go well. If it is so, it go be no. So on a go pump live vraiment. If you na so on a go flop erreur. If you na so on a go chewing kalang mola. So, we go polo for se una nyama. No, they can no go waka. No go waka. So you go make combine like we no go green. Who be an Christ or all people who allow Christ in all day? Parce que il n'y a pas de raison à ce que on m'a dit bolo pour le fin du mois, on capote de heaven de ombu, ananas ombu pour petit petit les blagues et les jam. Motif, les caisses de l'État sont vides. Monsieur, allez attendre. Dans aller attendre, de l'homme qui son small fan yanganem, de dibele ici, arriéré. Dans arrière non, il dit d'avoir toujours un côté. Il dit pas la sauce au petit d'embrayeur. Toujours les manœuvres, jamais les directeurs. Toujours les plantons, jamais les ministres. Toujours l'employé, jamais le patron. Pourtant, salaire pour un gym tété, pour un moun fikorel et qu'il faut 5 ans, les blagues pour fin du mois. En attendant, le bailleur, massa landlord, le 25 chap chap, ou un bikin salaud ou chaque matin pour se yumimba une bourreau pour location. Il n'a pas de plan arriéré. Sonner un snack dans des sauces au bâton, moi, faut dire à chaque mois. If you not pay, on coupe. Il n'y a pas question d'arriéré. Ordonnance à l'hôpital où tu rentres scolaire, des noms d'hier à faire pour arriéré. Dans où est hangré, dans bikini, hangas, djanga, na petit madame, est-ce que des hier à faire pour arriéré? Tous les chaps, une bouche à fogo pointer, djanga, na petit madame, des noms c'est pour fin du mois, c'est moi qui m'en suis normalement. Tu parles. Nadasso arriéré de Paul, pas de mamba vert, monsieur allez attendre. En tout cas, pour ma on s'y a mis à l'imbassé, au lieu que dans crise, j'ai vu qu'il me fasse la danse au small fish. Beta grand Pablo, il met de manière que, pas pour Yusep Sep, en a ordre d'un tete ou d'un défaut qu'on a des biquins ou d'un son hall à la fin du mois quoi. D'habisser d'un tactique small, mais petit petit les blagues d'un de Hondo avant. Effectivement, des filles tactiques, d'ailleurs ce n'est que très normal, un grand n'est pas un petit. L'exemple vient d'en haut. En cas de naufrage, le commandant de bord est le dernier à quitter le navire. C'est le sens de l'honneur et de la responsabilité. Après tout dans le mois, manyan fan de force abassa. Chocolita kona bakona. Kanka avata jende. Long, djiba, kurana alo alo nanjo. Tapi weti bon de sens, na sosonjo. Njanga dendigo le wanjo. Mele simfo l'hôpital na sosonjo. Sans oublier que d'indigéré budget pour caisse noire dans le ici. Aman, tell me how some people de ne fit pas pour Mbokoya for Sika over arriéré. D'offre planteur, arriéré. D'offre artiste for Sokanko Kongkong, arriéré. Epsi for Peri et Fré Fongwa, Kele en ordre à l'eau secteur for Long Crayon, toujours les arriérés. Mbourou for Lyon Indomptable Cep, Nadasso arriéré. Pension for vieux retraités d'em, encore les arriérés. À vrai dire, Grand Pablo, change it. Yes, change it because trop c'est trop.